音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏古诺根据莎士比亚的戏剧改编创作的歌剧《罗密欧与朱丽叶》的全剧录音，由克莱里·弗雷尼演唱，阿莱·隆巴指挥巴黎歌剧院演出。 Et son sang, qui gronde, qui gronde. reste à sa place et ne danse pas de quelque disgrâce fait l'âme tout bas. Qui reste à sa place et ne danse pas de quelque disgrâce fait l'âme tout bas. Au regret extrême quand j'étais moins vieux, je guidais moi-même mon humain joyeux. Mais tout ce parole ne me guidait rien que ta voix. Les soldats rêvent d'embuscades, de batailles et d'esprits. Repose sur ta couche, ô Vierge, et les fleurs de ta bouche, et te fait rêver de baiser. Âme, la reine des mensonges, préside au songe, une légère tour du rêve comme le vent du savant. À travers l'espace, à travers la nuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit. Eh bien, que la vertissime âme vienne de ma ou de notre, touche toi qui le poil de l'autre, je me sens attristé du noir pressentiment. Ta tristesse, faire la vie, elle n'a point trouvé ici ta Rosaline. Sans doute, dans le mal, te feront oublier ton fort amour d'écolier. si deux dames, les soins du souper, je crois qu'on vous réclame. Seigneur, me voici. Ah. Oh. tête si vous fuyez ainsi leur regard. Venez donc, venez donc. Quel est ce beau galant qui s'est masqué si vite en me voyant venir? Venez ici. On dirait qu'il m'évite. Dieu garde, Seigneur. Je le reconnais à sa voix, à ma haine, c'est lui, c'est Roméo. Sur l'honneur, je punirai le traître et sa mort est certaine. Thank you.

Seigneur Capulet. Montez-vous, sur ma tête. Un des Montaigus s'est permis de venir avec ses amis à notre fête. Le pauvre, le sec coquin,